إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc la semaine dernière, nous avons commencé le commentaire de Sharh al-Qawa'id al-Arba'a de deux grands savants de l'islam, un contemporain et un qui est décédé, rahimahullah, Cheikh Ubayd Jaberi, le contemporain, et Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, sur les quatre règles qui sont importantes, quatre règles à savoir. Et nous avons juste commencé l'introduction de ce livret. Et nous avons vu ce qu'était Al-Hanifiyya. Qu'est-ce que Al-Hanifiyya? Al-Hanifiyya. Plus précisément. C'est un secte, non? Non. C'est le fait de s'éloigner du shirk. Exactement. Millet Ibrahim. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. C'est ça la définition de l'Hanifiyya. C'est la religion d'Ibrahim alayhi salam sur laquelle il était. Hanifiyya, c'est le fait, Hanif, c'est la sincérité exclusive qu'a Allah seul. C'est-à-dire que dans tous les actes d'adoration, il ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik, c'est exactement ça. Et notamment parmi ces versets-là, plusieurs versets dans le Coran où Allah Azza wa Jalla donc fait l'éloge de Ibrahim alayhi salam. Comme le frère, mashallah, qui nous avait rappelé hier dans ce cours qui était magnifique, mashallah. Jazallahu khair, notamment sur Subhanallah. Il était seul face à tous. Subhanallah. Seul face à tous. Et cette sincérité-là qu'il avait envers Allah Azza wa Jal, dans son adoration à Allah Azza wa Jal, dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, c'est vraiment le fait de vouer exclusivement tout acte d'adoration qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et donc, on avait vu le danger, ça c'est encore dans l'introduction, hein, parce que je me suis aperçu qu'on n'avait pas commencé la première règle. Que فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَ لَا تُسَمَّ عِبَادَ إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Tu saches que si Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, quel est le but de la création? Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créé? Pour qu'on l'adore, exactement. Barakallahu fik. La preuve est dans ce qu'Allah Azza wa Jal a dit: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et donc, si l'on sait que c'est le seul but pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés, eh bien, on doit savoir qu'une adoration n'est considérée comme telle que lorsque elle est monothéiste. D'accord? Elle est monothéiste. Comme une prière n'est pas considérée comme une prière jusqu'à ce que l'individu a ses ablutions. Il n'est pas en état de prière si il n'a pas les ablutions. Eh bien, c'est la même analogie avec le pur monothéisme. C'est-à-dire que l'adoration n'est pas considérée comme telle si elle est entachée de polythéisme. Et la prière n'est pas considérée comme telle si elle est entachée d'une impureté, c'est-à-dire que la personne a perdu ses ablutions. Et nous avons expliqué le verset qui suivait. Et on avait vu que, on avait donné deux exemples sur le fait que le shirk, le polythéisme, lorsqu'il se mêle à l'acte d'adoration, lorsqu'il se mélange à l'acte d'adoration, il y a deux cas. Soit il se mêle à l'acte pendant que la personne est en train de faire cet acte-là, comme on avait dit par exemple une personne qui sacrifie un animal, hein, qui égorge un animal, pour Allah, mais il le fait aussi pour un wali, ou pour un sidi, ou pour un je ne sais pas quoi. Donc si lui, son intention, c'est de faire pour Allah et pour cet homme qui est mort, eh bien là, c'est une association majeure. Le fait de faire ça, ça annule l'islam de l'individu. Il n'est plus musulman, ça annule l'islam. Hein? Et donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque la personne fait des actes d'adoration, mais dans la ibada elle-même, dans l'acte d'adoration elle-même, c'est pas mélangé au polythéisme. Mais elle se voit toutes ses actions annulées. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de ces actes-là qu'elle fait, elle va faire d'autres actes où est-ce qu'elle va associer à Allah Azza wa Jal. Par exemple, on avait dit, il fait la prière, il fait le hajj, il fait la umrah, il donne la sadaqa, il donne la zakat, il aide la communauté, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va, rentre au bled, il va aller dans une zawiya, dans un mausolée, parce qu'il y a un homme qui est enterré, et il va aller lui dire, oh Sidi, je sais pas quoi, comme on avait dit, si tu... Il y en a, ils vont le voir pour que leur fils ait le bac, ou voilà, pour que leur fille se marie, ou voilà, pour que leur fille ait des enfants, voilà, je sais pas quoi. Donc là, le problème, c'est que s'il commence à invoquer autre qu'Allah, donc ça annule l'islam. Parce que l'invocation, c'est l'adoration. Quelle est la preuve ? On avait dit que l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Jin, « قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا » dit, j'invoque Allah et je ne lui associe rien. Donc Allah Azza wa Jalla a clairement montré que si la personne invoque autre qu'Allah, ça veut dire qu'elle lui associe quelque chose. D'accord ? Donc là, c'est un acte d'adoration. Est-ce qu'il n'est pas mélangé à l'acte lui-même ? Il fait sa prière, il l'a fait que pour Allah. Il fait le hajj, il le fait que pour Allah, Azza wa Jalla. Mais s'il fait d'autres actes, par exemple, il va aller invoquer autre qu'Allah, lorsqu'il va voir cette tombe-là, où il fait le tawaf, il tourne autour d'une tombe, en pensant que ça va lui ramener la baraka, où il fait ce genre de truc-là. D'accord ? Eh bien ça, ce sont les deux cas qu'on avait vus. Le premier cas, où est-ce que c'est mélangé à l'acte en lui-même. Le deuxième cas, où est-ce que la personne fait des actes sincères pour Allah, mais elle fait d'autres actes en parallèle à cela qui va annuler toutes ses œuvres. Et quelle est la preuve que le polythéisme annule toutes les œuvres ? Si on s'en rappelle, inshallah. Un verset qui est clair. Exactement, barakallahu fik. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنَ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a été révélé à toi, ô Muhammad, que, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu associes quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal, toutes tes actions seront vaines et tu seras parmi les perdants. Ça annule. Donc c'est pour ça que ça, c'est un très grand danger qu'il faut et à ni se protéger de cela. Et on avait vu au tout départ la définition du shirk al-akbar, qui est la définition du shirk al-akbar, pour qu'on se rappelle à chaque fois. Exactement. Dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Ibn Abbas radiallahu anhuma, « An taj'al lillahi naddan wa huwa khalaqak » que tu donnes un associé à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Tu sais que c'est Allah qui t'a créé et tu vas invoquer ou adorer autre qu'Allah. Donc ça, c'est le polythéisme majeur. Et le polythéisme mineur, Shirk al-Asghar, on avait dit, une définition, on se rappelle, c'est tout ce qui est imprégné de shirk tant que ça ne tombe pas dans le majeur. Tout ce qui est imprégné de polythéisme tant que ça ne tombe pas dans le majeur. Wa kulla ma warada fihi lafdhu shirk illa al-akbar. Donc ça, on s'était arrêté. Voilà. On s'était arrêté sur, juste avant d'arriver à la première règle. Donc lorsque tu sauras, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكِ إذا خلت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et lorsque tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et annule toutes les actions et rend celui qui le commet parmi les éternellement damnés à l'enfer, tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose. Il se peut alors qu'Allah te sauve de ce piège qui est l'association à Allah Azzawajal, au sujet duquel il dit, certes, dans la traduction au sens du verset 116 de Sourate An-Nisa, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, on s'était arrêté sur le fait qu'il n'était pas suffisant pour le musulman. هذا تنبيه أنه لا يكفي للمسلم التوحيد لله والعبادات بل لابد أن ينضم إلى ذلكم البراء من الشرك. C'est pas suffisant que l'individu unifie Allah عز وجل dans son adoration, d'accord, mais il est obligé, tout musulman se doit, donc certes il voue exclusivement l'adoration pour Allah عز وجل, mais il est obligé en plus de joindre à cela le fait de se désavouer du polythéisme. Il est obligé pour que la ilaha illallah lui soit bénéfique. Quelle est la preuve de cela? On a vu le hadith qui est dans Sahih Muslim rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال: "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Donc man qala la ilaha illallah, qui témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, et mécroit, se désavoue en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Son sang et ses biens deviennent sacrés et son jugement revient à Allah Azza wa Jalla. Et son jugement revient à Allah Azza wa Jalla. Et comme on avait vu dans les cours précédents, que celui qui la prononce, qui prononce la ilaha illallah, mais ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, cela ne lui est pas bénéfique. Ça ne lui sert à rien. C'est comme si qu'il avait une clé, je donne la clé de mon appart à un frère, pour ouvrir la mosquée. Il ne peut pas l'ouvrir, la mosquée. Certes, il faut une clé. Maftahul janna la ilaha illallah. Maftahul janna la ilaha illallah. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Walakin laha asnan. Mais cette clé-là, elle a des dents. Et les dents de cette clé-là, ce sont ses conditions. Et parmi les conditions, c'est le fait de se désavouer. Donc si tu as la clé, mais tu n'as pas les conditions, tu ne pourras pas ouvrir. Donc c'est impératif. Celui qui le prononce la ilaha illallah, mais ne se désavoue pas de ce qui est en dehors d'Allah, ça ne lui est pas bénéfique. Celui qui comprend ce que ça veut dire la ilaha illallah, mais qui ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, cela ne lui sera pas bénéfique. Celui qui comprend, qui le prononce et qui le dit, mais ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ce n'est pas bénéfique. Jusqu'à ce qu'il joint à cela la mécréance sur tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا قَرَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ça, on avait vu que ça, c'était dans la première shahada, c'était pareil. L'alliance et le désaveu, elle se fait dans la première shahada, ainsi que dans la deuxième shahada. Dans la première attestation de foi, la ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Comme dans la deuxième shahada, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur et messager d'Allah, eh bien, on avait vu لا يكفي للمرء أن يكون على السنة بل لابد أن ينضم إلى ذلك نفوره من البدعة وبغضه وبغضها وبغض أهلها كذلك. Donc c'est également ça dans la sunna, c'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas être juste sur la sunna et ne pas se désavouer de l'innovation. La sunna, ce n'est pas l'innovation, la sunna, ce n'est pas la bid'a. On mélange pas les choses. Il n'y a pas de... La sunna, c'est la sunna. Et la bid'a, c'est la bid'a. D'accord ? Ce sont deux termes distincts. Donc ça ne suffit pas à un musulman d'être sur la sunna, il se doit aussi de se désavouer de la bid'a et de ceux qui la pratiquent. Et il doit faire tout pour s'en éloigner. Ne pas se rapprocher de ces innovations religieuses. Pourquoi ? Parce que lui, il aime le prophète Mohammed. Il ne veut pas faire partie de ceux que lorsque le prophète Mohammed mettra sa main dans le hawd, hein, pour donner à boire aux musulmans. Les musulmans viendront pour boire de la main du prophète Mohammed. Puis, il y a des gens de la communauté de l'islam qui viendront pour boire, mais les anges mettront une barrière et les empêcheront de venir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra. Par quoi il les reconnaîtra ? Par quoi il les reconnaîtra ? Par les traces d'ablution. Barakallahu fikum. Par les traces d'ablution qu'ils avaient. Il reconnaîtra sa communauté par les traces d'ablution. Vous voyez, subhanallah, là c'est entre parenthèses le danger de délaisser la prière. A'oudhu billah. Hein ? Certes, il y a certains savants qui ont cette position, mais il y a des preuves qui sont nombreuses et qui sont claires. Comme notamment lorsqu'Allah Azza wa Jalla ordonnera aux anges d'aller chercher des musulmans qui sont en enfer pour les faire sortir de l'enfer. Parce qu'ils ont été châtiés, parce qu'Allah Azza wa Jalla aura décidé qu'ils méritent d'être châtiés pour des grands péchés qu'ils auraient commis. Eh bien, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit, radiallahu anhum ? Ils ont dit, comment les reconnaîtront ? Comment les anges vont reconnaître les musulmans qui sont en enfer ? Subhanallah. Ils les reconnaîtront par les traces d'ablution, les endroits où est-ce qu'ils faisaient le sujoud, le feu ne les prendrait pas. Subhanallah. Alors là, dès qu'il voyait dans ce hadith-là, pour revenir au hadith précédent, il va voir des gens de sa communauté, il va les reconnaître par les traces d'ablution qu'ils ont. Il va dire, mais ils font partie de ma communauté. La tadri madha sana'u ba'dak. Baddalu wa ghayyaru. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé et modifié. Ils ont voulu inventer, adorer Allah à leur façon. Hein? Allah Azza wa Jalla l'a révélé. Son livre et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que nous on suive les enseignements. Allah Azza wa Jalla, il nous ordonne de l'adorer comme lui il le veut. C'est pas comme nous on l'aime ou on le veut. On doit adorer Allah Azza wa Jalla comme Allah Azza wa Jalla le veut. Comme Allah Azza wa Jalla l'a décidé. Et comme Allah Azza wa Jalla l'a légiféré. Allah Azza wa Jalla dit bien, très clairement, « Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-din, ma lam ya'dan bihillah » Ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses qu'Allah n'agrée pas. Donc lorsque les anges ils vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, ils ont changé et modifié. Qu'est-ce qu'il dira le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Il dira, suhqan, suhqan liman baddala wa ghayyar. Loin de moi pour celui qui a changé et modifié. Vous voyez aussi le danger de l'innovation religieuse, qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc, on s'était arrêté sur le fait que tout cela, pour unifier Allah dans tous les actes d'adoration, c'est-à-dire que la personne, elle voue son adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal, et selon la législation d'Allah. D'accord ? Selon la sunna. وهناك أمر آخر. C'est là où est-ce que je m'étais arrêté. وهناك أمر آخر. وهو أنه يجب على من يعلم الناس دين الله أمران. Et il y a ici un autre cas. Il est obligatoire pour ceux qui enseignent la religion aux gens, deux points. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد والإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وأن العبادة هي حق الله وحده جل وعلا. Le premier point. Il y a deux points donc, pour celui qui enseigne. Il y a le fait qu'il faut inviter les gens au pur monothéisme et à la sincérité, qu'ils soient sincères dans leur religion avec Allah, dans la religion avec Allah Azza wa Jal. Pour Allah seul, quoi qu'ils fassent, ils le font que pour Allah, pas pour venir plaire à un tel ou un tel. Tu le fais que pour Allah. Dans ta tombe, tu seras seul. Celui à qui tu cherchais à plaire, il ne te sera bénéfique en rien. Il va pleurer sur toi deux secondes et il va t'oublier. Subhanallah. Il y a plein de cas comme ça qui arrivent. Subhanallah, je m'en souviens, il y avait un frère, il était décédé à l'âge de 24 ans, d'un arrêt cardiaque en pleine nuit, lorsque j'étais à Édimbourg. On est parti à la Genèse, on l'a enterré, les gens ils sont venus, on l'a enterré, on a fait la Genèse, après on l'a enterré. Même pas 5 minutes après, On voyait des frères, ils étaient déjà en train de rire, allez hop, tac, et ils sont partis se faire un kebab. Ils l'ont déjà oublié, subhanallah. Vous pensez sérieusement que ceux qui sont décédés, il y en a encore qui pensent à eux, que ceux qui sont qui habitaient sur camp par exemple, et qui sont décédés. Il y en a encore qui pensent à eux dans leur sèche en train d'invoquer Allah pour qu'ils les miséricordent sur eux. Ils les ont oubliés, ils ont leur train de vie. Donc toi, tu vas rester avec tes œuvres. Hein? Tu vas rester avec tes œuvres après la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, il faut inviter les gens au pur monothéisme et au fait qu'ils soient sincères dans leur adoration pour Allah Azza wa Jal seul. Et le deuxième point, c'est de mettre en garde contre le polythéisme. Vous voyez, à chaque fois, c'est-à-dire que si on invite au pur monothéisme, on doit aussi mettre en garde contre le polythéisme, pour pas que ça corrompt l'acte d'adoration. Et ces deux points-là, le fait d'inviter au pur monothéisme et de mettre en garde contre le polythéisme, c'est sur ces deux points-là que se base la religion de l'islam. وبهذا يعلم أن من قصر همه على تعليم الناس العبادة وأهمل الجانب الآخر الذي هو الحذر من الشرك يعلم أنه إما جاهل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضال مضل صاحب هواء. Et donc Cheikh Ubayd Hafidhullah dit, de par cela, on comprend et on sait que celui qui s'en tient à enseigner aux gens les actes d'adoration, sans tenir compte du deuxième point, c'est-à-dire sans tenir compte du fait de mettre en garde contre le polythéisme. Alors sachez que ce genre d'individu est soit un ignorant du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou soit c'est un égaré qui égare les gens et qui suit ses passions. Ayat al-Nisa allati dhakarha al-musannif rahimahullah inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. فهذه موجبة على كل مسلم ومسلمة الحذر من الشرك. Donc ce verset là de sourate An-Nisa qu'on a vu, le verset 116, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Allah ne pardonne pas. Eh bien ceci implique l'obligation pour tous les musulmans et musulmanes de prendre garde de tomber dans du polythéisme, parce qu'Allah il ne le pardonne pas. الشرك الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. Le danger de pratiquer ce polythéisme majeur qui fait basculer un individu de la sphère de l'islam vers la sphère de la mécréance, qu'Allah nous en préserve. وثانيا خطورة الشرك على المرء. Et deuxième point, le danger, hein, du polythéisme sur l'individu. Comme nous avons vu précédemment, cela invalide l'œuvre. أقول هذا الذي لا يجمع بين الأمرين بين تعليم الناس عبادة الله عز وجل على وجه الخالص له سبحانه وتعالى وبين التحذير من الشرك هذا جاهل أو صاحب هواء وأكثر ما يدندن أصحاب الهوى والبدع إلى التهوين من أمر التوحيد وأنه من أهم العلوم وليست أهم العلوم كما ذكر ذلكم. Ça c'est le Cheikh Ubayd Jabri qui mentionne en fait un cas qui s'est passé. كما ذكر ذلكم الذي يسمونه عالم موريتانيا جوابا على سؤال وجه إليه هل التوحيد أهم العلوم فقال ليس بأهم العلوم ومن أهمها. Le Cheikh Ubayd Jabri Hafidhullah dit, je dis que celui, il insiste sur ça parce qu'aujourd'hui, s'il insiste sur cela, c'est qu'il y a même des gens qui passent dans les chaînes musulmanes, qui font de la da'wah. Et ceux qui les invitent disent c'est un savant un tel. C'est le cas d'un tel qui était un savant, qui disent que c'est un savant de Mauritanie. Voilà ce que dit le Cheikh. Il dit, je dis que celui qui ne réunit pas ces deux points, qui sont le fait d'enseigner aux gens l'adoration à Allah Azzawajal, de façon à ce que cet acte d'adoration soit sincère pour Allah seul, et le fait de mettre en garde contre le polythéisme, ce genre d'individu est un ignorant ou un suiveur des passions. Il a dit, les gens de la passion et de la bid'a, de l'innovation religieuse, ne cessent de prendre à la légère et de donner peu d'importance concernant le pur monothéisme. Jamais ils vont insister sur ça. Ils vont juste le prendre à la légère. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? ces personnes, ils prétendent de par leur ignorance que cela, le pur monothéisme, le tawhid, c'est pas la science la plus importante. Ils disent, ça fait partie des sciences les plus importantes, mais c'est pas la plus importante. Subhanallah. Yani, comment un individu peut dire ça? Et ça, c'est une personne qui disait que c'est un savant. Il dit que c'est pas parmi les plus... Dans la tombe, quelles sont les questions dans la tombe? C'est les questions de fiqh? Non, c'est les questions sur la aqida. Subhanallah. Sur la aqida. Et comment que la personne vivait dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, Allah raffermira sa parole dans la tombe. Et avant sa mort. C'est pas quelque chose de facile de dire, ouais, avant de mourir, je vais dire la ilaha illallah. C'est pas donné à tout le monde, ça. Subhanallah. Allah Azza wa Jal raffermit la parole de ceux qui avaient la parole ferme, qui étaient fermes sur leur religion pendant leur vie, qui étaient sincères pendant leur vie. Et comme on avait eu l'occasion de voir pendant la khutbah, les actes ne valent que par leur finalité, c'est-à-dire sur quoi la personne meurt. Ceci te donnera sur quoi elle vivait. Sur quoi elle est morte, ça t'indique sur quoi elle vivait. Et vous savez que celui qui était en train de combattre avec le prophète Mohammed dans la Ghazwa, d'accord ? Et les compagnons lui disaient, mais il bat avec bravoure, il est en train de combattre les polythéistes, vraiment, il est courageux, il est. Hein? Il fonce dans la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a dit, celui-ci est en enfer. Subhanallah. Hein? Donc nous, on voit des actes, mais comment la personne est meurt, ça va t'indiquer sur quoi elle était cette personne-là. Donc, il y avait un compagnon qui s'est mis à le suivre pendant qu'il y avait la bataille. Il a vu qu'il était blessé, il ne supportait pas la blessure, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innamal a'mal bil khawatim, bi khawatimha. » Les actes ne valent que par leur finalité. Sur quoi tu meurs, ça t'indiquera sur quoi tu étais. Donc si tu n'étais pas sur le pur monothéisme pendant ta vie, a'oudou billah, hein, comment ça va être dans la tombe? Et donc, celui-ci dont il disait, il est passé sur la télévision, la chaîne El Majd, et ils ont dit que c'était le savant de Mauritanie, qui a répondu à cette question qui lui a été posée, est-ce que le tawhid, le pur monothéisme, est la science la plus importante? Il répondit par, ce n'est pas la science la plus importante, mais elle fait partie des sciences importantes, subhanallah. Donc ça, c'était ce que le Cheikh Obeid avait commenté sur l'introduction. La première règle, al-qa'idatul-oula, an ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilahum fil islam wa al-dalil qawluhu ta'ala wa alaykum assalam wa rahmatullah. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc la première règle, c'est que tu saches que les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait combattu, eux, ils reconnaissaient qu'Allah c'était le créateur. Ils l'ont pas renié. Ils reconnaissaient qu'Allah c'était le créateur et le commandeur, et que la reconnaissance de cela, donc c'est lui qui a, ils reconnaissent, ils savent que qui c'est qui est le créateur, c'est Allah. Ils n'ont jamais renié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas combattus par le fait qu'ils renient ça. Non, eux, ils avaient la sincère conviction, comme nous avons vu dans l'introduction, barakallahu fikum, que ils avaient la sincère conviction que Allah azza wa jalla c'était leur créateur. C'est leur créateur. Il faisait le pèlerinage, il faisait la sadaqa, ils entretenaient leur lien de parenté. Ils faisaient tout cela. Ils étaient persuadés, ils n'avaient pas un seul doute qu'Allah c'était leur créateur. Allah c'est leur créateur. Ça, ils ne doutent pas sur ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et eux avaient cette conviction ferme que seul Allah peut créer et seul Allah peut apporter un bien ou peut te nuire. Ceci, la preuve se trouve dans la parole d'Allah, mais il y a aussi d'autres versets aussi. Dans la traduction du sens du verset 31 de sourate Younes, où Allah Azza wa Jalla dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre. Donc Allah Azza wa Jalla ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander aux polythéistes, hein, leur poser cette question là: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, Allah Azza wa Jalla dit, et Allah c'est le véridique Azza wa Jalla, hein, il a dit qu'ils diront Allah. Ils diront que c'est Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Il y a d'autres versets qui sont bien clairs où Allah Azza wa Jalla dit: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Et si tu leur questionnes, à ces polythéistes-là, qui vous a créé, ils diront, c'est Allah. Et dans un autre verset, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Et si tu leur posais comme question, qui a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune, ils répondront, c'est Allah. Aucun doute dessus. D'accord. Al-qawa'id jam'u qa'ida wa hiya fi al-lugha asas al-bina. Donc le cheikh Ubayd hafidhullah dit que qawa'id, ce qu'on dit règle en littéralement français, règle, donc c'est le pluriel, parce qu'on dit qawa'id en arabe, c'est le pluriel de qa'ida qui veut dire une règle, la règle, qui signifie linguistiquement la base de la construction. La base de la construction. والمراد بها هنا الأحوال التي كان عليه المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ce qui est voulu par règle ici, hein, ce sont les conditions dans lesquelles étaient les polythéistes chez qui le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fut envoyé. وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. Et comment le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se comporter avec eux et traiter avec eux. Wa khulasatu hadhihi al-qa'ida wa hiya al-qa'idah al-ula awwalan iqrar al-mushrikin bi tawhid ar-rububiyyah wa huwa tawhid Allah bi af'ali allati infarada biha wa minha al-khalq war-rizq wal-mulk wat-tadbir. En résumé de cette première règle, c'est que les polythéistes, ce que l'on ressort de cette première règle, c'est que les polythéistes agréent, acceptent, reconnaissent l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. D'accord. Quelle est la définition de l'iman billah? La définition de la foi en Allah. Elle est composée de quoi, la définition de la foi en Allah? Ça, c'est les piliers de l'iman, de la foi. La définition de l'iman billah, le premier pilier de la foi. La définition du premier pilier de la foi. Donc il y a 6 piliers de la foi. Hein? Ben c'est, elle est composée par Aqsam et Tawhid. En fait, par 4 points. La foi en Allah, le premier pilier de la foi. Donc dans les piliers de la foi, il y a 6 piliers dans la foi. D'accord? 6 piliers dans la foi. Donc la foi en Allah, la foi que Allah Azza wa Jalla a créé tous les anges, la foi aux anges. La foi à tous les livres qu'Allah Azza wa Jalla a révélés, la foi à tous les messagers qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés, la foi au jugement dernier, au jour du jugement dernier, et le sixième point, la foi au destin, bon ou mauvais, mais il provient d'Allah. D'accord? Donc le premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah. Et la foi en Allah, la définition de la foi en Allah, elle est composée de 4 points, qui est le fait de croire en l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Et les 3 autres points, c'est ce qu'on appelle Aqsam al-Tawhid, c'est-à-dire les catégories de monothéisme, dont il y a Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est ce qu'on a vu là. C'est le fait de croire que seul Allah Azza wa Jal peut créer. C'est le créateur, c'est lui qui nous a créé. Que Allah Azza wa Jal peut faire ce qu'il veut. D'accord? Que seul Allah Azza wa Jal donne la subsistance. D'accord? Que seul Allah Azza wa Jal mesure les choses telles qu'il les fait. Donc ça, tout ça, ça fait partie de Tawhid al-Rububiyyah. D'accord? l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Le deuxième point, Inch'Allah, on facilite, on fera un cours détaillé sur ça, Inch'Allah. Le deuxième point, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans les parfaits noms et attributs. Que seul Allah Azza wa Jal a ses parfaits noms et attributs. As-Sami'a. Et pour chaque, comme on le verra, Inch'Allah, pour chaque nom, il y a un attribut. D'accord ? As-Sami'a, le fait qu'Allah Azza wa Jal entende. D'accord ? As-Sifa, c'est As-Sama'a. D'accord ? As-Sami'a, As-Sifa, c'est Sama'a. D'accord ? L'attribut de entendre, le nom de entendre, celui qui entend, l'attribut qui est lié à cela, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal entende. D'accord ? Donc on va voir ça dans le détail, Inch'Allah. Donc c'est tous les noms et attributs. Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, tous ceux qu'on connaît, Inch'Allah, barakallahu fik. Et le troisième point dans la catégorie du pur monothéisme, c'est Tawhid al-Ibada, aussi appelé Tawhid al-Uluhiyya. C'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. L'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, les polythéistes de Quraysh, ils étaient convaincus et ils croyaient avec une ferme conviction qu'Allah, ils croyaient en l'unicité d'Allah dans quoi ? Rububiyya, dans la seigneurie. Ça, ils n'avaient pas de doute. Tu leur poses, qui vous a créé ? Ils diront, c'est Allah. Et eux, en fait, ils adoraient leur statut pour se rapprocher d'Allah. Donc, en résumé de cette règle-là, c'est que les polythéistes agréent, acceptent et reconnaissent l'unicité d'Allah dans sa seigneurie qui concerne l'unicité d'Allah dans les actions que seul Allah peut faire. Parmi ceux-là, il y a le fait de créer, le détenteur de toutes choses, seul Allah donne la subsistance, seul Allah mesure les choses telles qu'il les fait. Alaykoum salam wa rahmatullah. واستدل المصنف رحمه الله على هذه القاعده بايه يونس. Donc concernant cette règle là, l'auteur a utilisé le verset de sourate Younes. Dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre pour prouver que il croyait que tout cela provient d'Allah Azza wa Jalla. Donc il reniait pas ça. Il savait que seul Allah l'a ordonné cela. D'accord ? Et seul Allah les a créés. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أولا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين عن هذه الأمور من يملكها. Donc cela, en fait, lorsque vous lisez barakallahu fikum dans le Coran, à chaque fois que vous lisez dans le Coran que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui fait ce qu'il veut, c'est Allah, d'accord, ça ce n'est pas pour convaincre les gens qu'ils doivent croire que Allah Azza wa Jal c'est le seul créateur. D'accord ? Parce que tous savent que le seul créateur c'est Allah. Tu vas parler avec n'importe quelle personne de la n'importe quelle religion, ils vont tous dire, on croit tous qu'il y a un créateur puissant, un seul créateur. Ils n'ont jamais renié ça. D'accord ? Donc lorsque vous voyez cela répété dans le Coran, c'est pour en fait amener les gens à méditer sur le fait que si tu sais que c'est Allah qui t'a créé, et si tu sais que c'est Allah qui te donne la vie et qui te donne la mort, et si tu sais que c'est Allah qui te donne toute subsistance, d'accord ? Alors adore-le lui seul et n'invoque pas des créatures qui ne peuvent ni t'apporter un bien ni te nuire. Elles ne peuvent faire que ce qu'Allah veut. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez que ce qu'Allah veut. Donc lorsque tu sais que c'est, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut tout donner, tout faire, qui t'a créé et qui te jugera le jour de la résurrection, subhanallah. Donc lorsque tu sais tout ça, alors à toi, ça doit les amener normalement à unifier Allah dans l'adoration, à se mettre que à rejeter tout ce qui est en dehors d'Allah et à adorer Allah Azza wa Jal. وثانياً, donc ça c'était le premier point. وثانياً, إخباره سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم سيقرون أن هذه هي ملك الله سبحانه وتعالى ولا شركة لأحد فيها. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla le informe. Déjà, il ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de poser cette question-là. Premier. Deuxième point, Allah Azza wa Jalla va montrer que ces politesses-là, ils vont admettre et approuver tout cela. D'accord ? Que seul Allah Azza wa Jalla détient toutes choses. Wa thalithan, et troisième point, Amrullah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yudhakkirahumullah ya'ni annahu huwa al-mustahiq lil'ibada faqul afala tattaqoon. Vous voyez, dans ce verset-là, lorsqu'on parle de méditer, le verset, rien que ce verset-là, regardez ce que les savants, ils en font tirer déjà trois points. Dans le verset, dit qui vous attribue de la nourriture, du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ça, c'est le premier point. Allah ordonne à son prophète de leur poser cette question-là. Deuxième point, Allah Azza wa Jal va montrer qu'ils vont admettre que c'est Allah seul. Ils diront Allah. Troisième point dans ce même verset, juste ce verset-là, dit alors, ne le craignez-vous donc pas. C'est pour leur rappeler, d'accord, que si vous savez tout ça, il leur ordonne à vous de vouer un culte exclusif à Allah. Alors cessez d'adorer autre qu'Allah. Si tu le sais tout ça, et tu agrées tout ça, et tu acceptes tout ça, alors voue un culte exclusif à Allah Azza wa Jal seul. De plus, le fait qu'ils approuvent et acceptent seulement l'unicité dans la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, le fait qu'ils acceptent juste ça, cela ne leur est bénéfique en rien. En rien. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Leur sang et leur bien n'étaient pas sacrés dû au fait qu'ils ont renié l'unicité d'Allah dans l'adoration. D'accord ? Cela est relié avec le hadith qu'on a mentionné dans Sahih Muslim. D'accord ? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah. Qui témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, alaykum salam wa rahmatullah. Et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son bien et son sang, ses biens et son sang deviennent sacrés et son jugement revient à Allah. Donc le fait de croire seulement à l'unicité dans la seigneurie, d'accord, que seul Allah crée tout ça, et refuse de croire à l'unicité dans l'adoration, eh bien, ça ne leur est bénéfique en rien. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus. وَبِهَذَا يُعْلَمْ أَنَّمَا تَدْعُوا إِلَيْهِ بَعْضُ الْجَمَعَاتِ الْحَدِيثَ فتفسر لا إله إلا الله بما ذكر وأن هذا التفسير باطل. Donc le Cheikh Ubaid hafidhullah dit, ce que nous voyons aujourd'hui dans certains groupes qui invitent à Allah, ils vont sortir je sais pas combien de jours et puis ils vont inviter à Allah, l'explication qu'ils donnent de la ilaha illallah c'est quoi? Et moi je le témoigne puisque j'ai assisté à ça, j'ai déjà assisté à cela. Il s'est levé dans la mosquée et il a parlé aux gens après la salat du maghrib. Et il a dit, donc, le premier point, c'est la ilaha illallah, qui veut dire, il l'a dit comme ça. C'est d'enlever la mauvaise certitude et la remplacer par la bonne, de croire sincèrement qu'Allah est le seul créateur. À la fin, j'ai attendu, j'attends que tout le monde parte, et j'ai parlé avec lui, en espérant le conseiller, dans le musta'an. Je lui ai dit, tu as vraiment voulu dire que la ilaha illallah, ça veut dire, c'est de croire sincèrement qu'Allah c'est ton créateur. Il m'a dit oui. J'ai dit subhanallah. Mais ça c'est la croyance de Quraysh. Et je commençais à lui réciter les versets, il n'a pas voulu accepter. Il a dit que si tu veux exactement. J'ai dit subhanallah. Qui a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune? Ils répondront c'est Allah. Qui vous a créé? Ils répondront c'est Allah. Donc ce qui donne en fait le problème, il est où? Parce qu'il est grave le problème, on ne s'en rend pas compte. Regardez ce que les savants quand même ressortent. D'où l'importance à chaque fois de revenir aux savants. Hein? Ils disent, le fait qu'ils donnent cette définition-là, c'est une définition qui est fausse. Et le danger, il est où? وَلَازِمُهُ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَإِخْوَانُهُ مِنْ سَنَادِيدِ الْكُفْرِ كَانُوا عَلَى التَّوْحِيدِ وَيَلْزَمُ أَمْرٌ آخر أَنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ ظُلْمًا. Ah oui. نسأل الله العافية تعالى الله ورسوله عن ذلك هذا التوحيد فهمه أبو جهل. Le fait qu'ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire que le seul créateur c'est Allah, alors que c'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nul ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah. C'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. Mais eux, le fait qu'ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire, hein, on enlève la mauvaise certitude et on la remplace par la bonne, qui est de croire que le seul, on doit croire avec sincérité que le seul créateur c'est Allah. S'ils disent que c'est, donc c'est ça veut dire la ilaha illallah. Vous voyez ce que ça implique? Ça implique que Abu Jahl, qui est la tête de la mécréance, l'ennemi de l'islam, et que tous ceux qui l'ont suivi dans cette trajectoire, ils étaient sur le pur monothéisme. C'est ça que ça veut dire. S'il dit que la ilaha illallah, ça veut dire que le seul créateur c'est Allah. Si lui il dit ça, eh bien Abu Jahl déjà, il savait que Allah c'était son créateur. Est-ce que pour autant ça fait de lui un musulman? Et ça implique quoi aussi? Ça implique que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, eh bien, c'était une oppression de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que c'était injuste de sa part, car eux, ils étaient sur le pur monothéisme. Est-ce que vous comprenez le danger, il est où? Le fait de dire juste, la ilaha illallah, ça veut dire que Allah, c'est le créateur. Abu Jahl, il savait que Allah, c'était son seul créateur. Allah, Azza wa Jal, dit... Quelle est la preuve que les mouchriquins aussi, en plus des autres preuves qu'on a mentionnées, Allah Azza wa Jal dit que ce que les mouchriquins vont dire, أَجَعَلَ الْآلِهَةً إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. A-t-il fait de toutes les divinités, hein, une seule à adorer? Il vient avec une chose d'étrange. Hein? Il vient avec une chose d'étrange. Eux, Abu Jahl, ils savaient que la ilaha illallah, c'était le fait qu'il était obligé d'unifier Allah dans son adoration. Lui, il adorait Allah et il adorait ses statues pour se rapprocher d'Allah. C'est pour ça que le prophète les a combattus. Il voulait qu'ils arrêtent d'adorer leurs statues, ils arrêtent d'invoquer leurs statues, et ils arrêtent de s'en remettre à autre qu'Allah, mais qu'ils se désavouent de tout cela et qu'ils unifient Allah dans leur adoration. C'est pour ça que le prophète les a combattus. Il ne les a pas combattus parce qu'ils croyaient qu'Allah c'était le créateur. Ils savaient déjà. Donc le danger, vous voyez, alors si Abu Jahl est plus savant que nous en tant que musulmans, là ça devient un problème. A'oudou billah. Abu Jahl, l'ennemi de l'islam, il devient plus savant que les musulmans. Abu Jahl sait que Allah Azza wa Jal c'est le créateur, et il sait que la ilaha illallah c'est le fait de se désavouer de tout acte d'adoration en dehors d'Allah et d'unifier Allah dans l'adoration, et les musulmans ils savent pas ça aujourd'hui, et en plus ils font de la da'wah. Subhanallah. La deuxième règle. 3 minutes. On va lire, Inch'Allah, la deuxième règle. C'est entre les 3 minutes, 10 années. Ok. Chacun nous préfère. La deuxième règle, Inch'Allah. Je pensais qu'on allait faire la shafa'a aujourd'hui. Donc, Al-Qa'idatu Thaniya. Annahum yaqouloun. ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة فدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La deuxième règle, c'est qu'ils disent: nous ne les invoquons, c'est-à-dire ces idoles, ces statues, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Le fait qu'ils leur demandent le rapprochement d'Allah est indiqué par la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens du verset 3 de Sourate Az-Zumar, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ceux en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Donc on va faire le commentaire, Inch'Allah, la semaine prochaine, puisque là c'est l'heure du Isha, barakallahu fikum. Donc on va faire le commentaire et puis le détail que j'avais préparé sur la Shafa'a. Donc la semaine prochaine, bi'idnillah, Inch'Allah. جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك